Bonjour, bonjour, Pinaudiens, Pinauduleurs, Pinaudiennes, amis du monde, de la terre et d'ailleurs. Nous y voilà, Cargo Cult Rempile donc, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Peut-être dans ce qui va être la toute première œuvre fleuve qu'on va et qu'on aura dépeint dans cette émission. Émission demeurant qui doit fêter à quelque chose près ses 12 mois, sa première année d'existence. Puisque si vous vous rappelez bien, elle est née un peu des nécessités du confinement, le premier du genre. Puis ma foi, maintenant on vit dans le confinement, c'est super. Troisième du genre et énième alias déconfiné, reconfiné. C'est pas la question du jour, je vous rassure. Et première fleuve du coup qui célèbre bon an mal an cet anniversaire. Parce que par fleuve, finalement, on va entendre effectivement aujourd'hui un morceau, une œuvre et une salle. Et un album consacré à une seule et même composition, quand bien même elle va se décliner en certaines variations. Et il s'agit du devenu très classique aujourd'hui, Jesus' Blood Never Failed Me Yet, de Gavin Bryars. 75 minutes. 75 minutes d'une stase intégrale qui tourne autour de la répétition d'une phrase et d'une seule même phrase, « Jesus' blood never failed me yet. There's one thing I know that he loves me so. » Et cette phrase, elle est répétée par un clochard, enregistré presque par hasard dans la rue, en tout cas un enregistrement qui n'était pas du tout destiné à être pérennisé, et qui va devenir le maître mot d'une composition entière. C'est à la fois superbement poétique et plutôt révolutionnaire. Surtout quand c'est fait à l'aube des années 70, exactement en 1971, quand le fera Gavin Bryars. Donc, avant de revenir précisément sur cette pièce, et puis les déclinaisons qu'elle va connaître, parce que de 71 à aujourd'hui, elle va muter, elle va s'agrandir, elle va prendre d'autres formes. Revenons un peu sur la personnalité même de Gavin Bryars. C'est un compositeur très important, c'est un compositeur britannique. Il est né à la fin des années 40, au début des années 40, hein, à la fin de la guerre, grosso modo, en 1943, à Goul, qui est un petit bled du Yorkshire. Yorkshire, le nord de l'Angleterre, Yorkshire. Exactement la même provenance, on va dire, régionale que LFO, dont on parlait la semaine dernière. Croyez-moi, ça va être difficile de trouver d'autres points communs entre LFO et puis Gavin Bryars. Donc allons maintenant sur Gavin Bryars. Du coup, Yorkshire dit Sheffield, là où il y a une université importante, et c'est là que Gavin Bryars va un peu tomber amoureux de la musique. Il a déjà une formation musicale, cependant, mais enfin, on va dire standard. Et il va découvrir l'instrument qui va lui donner une première incarnation, c'est une contrebasse. Et il se trouve qu'au conservatoire de Sheffield, à l'université, cette contrebasse, personne n'en veut vraiment, au point où elle est un petit peu abîmée. Et du coup, c'est Gavin Bryars qui la récupère. Elle devient pratiquement la sienne, puisque personne d'autre n'en joue. Et Gavin Bryars est bon. Il est bon, autant dire doué, et va rencontrer d'autres personnes à Sheffield avec lesquelles il va tailler le bœuf et se lancer dans le jazz. Et dans ces personnes-là, deux sont extrêmement importantes. C'est Derek Bailey, guitariste, et Tony Oxley, drummer et percussionniste. Derek Bailey et Tony Oxley en sont eux aussi à leur début. Tous les trois vont créer un groupe qui va à la fois s'exercer dans des reprises du jazz assez chaud de l'époque. Hein. Ils sont très coltraniens, en fait. Mais très rapidement, Derek Bailey va devenir, et puis c'est la même chose pour Tony Oxley d'ailleurs, des très fortes personnalités de la musique improvisée. Derek Bailey, c'est notamment le papa de la guitare couchée, quoi. Donc on arrive à des retranchements quasi jusque boutistes, hein, dans la musique dans la musique improvisée, qui dépasse même probablement les frontières du free pour aller volontiers vers des territoires soniques, sonores et pourquoi pas conceptuels. Et c'est la même chose du côté de Tony Oxley. Mais ça, finalement, ce sera dans une deuxième vie. La deuxième vie est définitive, finalement, de Gavin Bryars. Elle ne va pas passer par l'improvisation. Au contraire, elle va aller dans la musique écrite. Musique écrite, orchestrée le plus souvent. Alors, ça va d'un petit orchestre de chambre, hein, un quartet à cordes, ça c'est un format qu'il affectionne beaucoup, à du philharmonique. Et la première, ce qui est intéressant, c'est que les premières œuvres on parlera d'Eric Ballet un autre jour, ça vaut le coup, mais plus maintenant finalement. Les premières œuvres de Byers sont pratiquement ses œuvres déjà définitives les plus connues. Et je l'ai déjà dit, mais je reviendrai dessus. Pourquoi ? C'est en fait parce qu'effectivement, elles vont être rejouées, réadaptées, et elles vont connaître des formes d'update. On pourrait presque dire remix, même si finalement, dans le cadre d'une musique orchestrale ou symphonique, l'expression ne semble pas tout à fait opportune. Mais en même temps, elle n'est pas si loin que ça, finalement, de l'état d'esprit de quelqu'un comme Gavin Byers. Sa première grande œuvre, c'est « Sinking of the Titanic ». Voilà, le Titanic, comme on le disait tout simplement, c'est une pièce assez magistrale qui évoque, le naufrage du Titanic. Et sa deuxième œuvre, c'est celle qu'on va dépeindre aujourd'hui, « Jesus' Blood Never Failed Me Yet ». À ce site commun avec « Sinking of the Titanic », c'est que, quand bien même ce sont des œuvres orchestrales, elles empruntent beaucoup à de sonorités extérieures à l'orchestre, en fait. On pourrait dire sample, mais le sampleur n'existe pas. En tout cas, pas sous le format où on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas un outil spécialement en usage dans ces territoires-là. Mais en même temps, on n'est pas loin non plus de quelque chose qui est dans l'air. Alors, je m'explique, parce que Gavin Byers, il faut l'installer dans une filiation, d'une certaine manière. Gavin Byers, je vous le disais, c'est un des premiers compositeurs, et c'est probablement actuellement l'un des compositeurs vivants les plus importants en Angleterre, mais il s'inscrit dans une génération autour de laquelle il y a quelqu'un comme Michael Nyman, je pense aussi à Cornelius Cardew, voilà. Et à eux trois, ces trois hommes-là sont une espèce de tête de pont, d'antenne, des expressions minimalistes qui sont déjà complètement en germe aux États-Unis. Donc chez des minimalistes, je vais citer les stars qu'on cite toujours, Steve Reich et puis Philip Glass, par exemple. Mais au tout début des années 70, personne de ce camp-là n'est star. Personne. Pour la petite histoire, quand Steve Reich jouera pour la première fois en Europe, sa pièce « Drumming ». C'était une pièce que je pense est composée, en tout cas jouée pour la première fois en Europe, en 1973 ou 1974. Il n'y a aucun musicien pour jouer cette pièce-là. Parce que d'abord, les musiciens, il faut les payer, donc il n'y a pas d'argent. Et puis, il n'y a pas du tout de la promotion sur cette musique-là. Elle est sans équivalente à côté de la musique atonale et boulésienne qui peut être mise en avant en ce moment-là en Europe. Ça ne se concerne pas seulement la France, même si c'est pour beaucoup le cas, ça concernera aussi l'Angleterre. Donc dans ce camp de la musique avec une tonalité revendiquée, mais quand même en étant un petit peu un fouteur debout dans l'establishment un petit peu trop figé de la musique du moment, il n'y a pas grand monde sur place pour être là. Et du coup, c'est Cornelius Cardew, c'est Michael Nyman et c'est Gavin Byers qui seront les percussionnistes avec Steve Reich de la pièce de Steve Reich quand elle sera présentée en Europe. Vous voyez, comme tout ça a été triqué, finalement. Comme tout ça paraît extrêmement tribal, familial. Chose qui paraît presque inconcevable aujourd'hui, parce que tous les noms que je vous cite là, maintenant, remplissent la philharmonie, quoi. Mais voilà, ça ne s'est pas fait en une seule fois. Je reviens à « Jesus' Blood Never Failed Me Yet », parce que là, maintenant, c'est cette pièce-là qu'on va détailler. Elle est totalement extraordinaire, mais au sens propre. Au départ de cette pièce, tout comme à la fin, plus qu'une sonorité extérieure à l'orchestre, une scansion, une petite mélopée enregistrée par un metteur en scène qui tourne, en fait, à ce moment-là, et on est précisément en 1970, c'est 71, un documentaire. Pour la BBC, mais au sujet des homeless, au sujet des SDF qui traînent à Londres, spécialement dans le quartier de Elephant and Castle. Et là, ma foi, il va s'enregistrer des kilomètres et des kilomètres de bandes. Et évidemment, on ne garde pas tout. Et comme Gavin Byers travaille, en fait, il est pote et travaille conjointement avec ce metteur en scène, il va lui laisser la bande Revox qui n'est pas utilisée. Parce que oui, la bande, mine de rien, ça coûte cher. Et j'insiste sur le fait que ces musiciens-là, en 1970, sont un peu sans le sou quand même, quoi. Donc, en récupérant ces bandes par paquet, Gavin Bryars a la judicieuse idée de les écouter avant de les effacer pour pouvoir les réutiliser proprement et avoir un outil de travail dont il a besoin. Et en réécoutant ces bandes, bon, pour la plupart, c'est des commentaires très très avinés, hein, de clochards comme ça, dans des situations à la fois pathétiques et singulières, mais un peu rigolotes, quoi. Et au milieu de ça, Gavin Bryars tombe en arrêt, littéralement en arrêt, devant une courte scansion qui dit donc exactement ce texte-là. Jesus' blood never failed me yet, never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. This one thing I know, that he loved me so. Donc c'est un chant finalement quasi gospel. Et qui en fait n'a pas du tout été identifié à ce moment-là. Il a fallu pas mal d'enquêtes, il faut admettre, et maintenant on sait de sources sûres que, effectivement, ce Jesus Blood Never Failed Me Yet est en fait emprunté à une stance d'un hymne gospel qui avait été enregistré par un certain James M. Black et son chœur de gospel, et qui avait été publié, hein, sous un format 78 tours dès 1911. Voilà. Donc l'homme qui récite, enfin qui chante, parce que vous allez voir, on a cette chanson tout le temps, toutes ces 75 minutes sont une énorme boucle de cette chanson sur laquelle va très lentement se greffer l'orchestre. Mais je reviens sur l'homme, et qu'on n'identifiera jamais. Et je vous dis, même la source a été très tardivement identifiée, et pas par Gavin Bryars lui-même, mais bien plus tard. Elle est évidemment adaptée. Cet homme, ce clochard et sa mélopée sublime, parce que vous allez voir, elle est d'une beauté inouïe, c'est d'une simplicité, ça vous donne une chair de poule immédiate, elle a été isolée par Gavin Bryars, qui s'est rendu compte immédiatement qu'il y avait moyen de jouer dessus. Et qui du coup devient comme ça un orchestrateur arrangeur. Le mot arrangement se prête quasiment plus finalement au travail de Gavin Bryars sur cette pièce-là que celui de strict compositeur, hein, quand bien même bien sûr les deux se ressemblent et se touchent. Et de l'idée à la réalisation, il se passe très peu de temps. Et donc Gavin Bryars va commencer dès 1971 à proposer des formats et éditer cette pièce. Mais finalement, elle va voir le jour assez difficilement et par époque. Dès 1971, avec un orchestre simple, un quatuor à cordes, une version d'une dizaine de minutes va servir de support à un court-métrage expérimental de son copain Steve Doskin. Et dans ce court-métrage, en fait, on voit un vieil homme qui s'avance très lentement devant la caméra. Et comme la scansion dont je vous parle et que vous allez entendre bientôt est elle-même très très lente et se déploie très lentement, c'est quelque chose qui colle très bien. Et tout ça fait qu'une dizaine de minutes. Et quelques années après, mais assez rapidement, en 1975, Jesus Blood Never Failed Me Yet va enfin connaître sa première édition disque. Et en guise d'édition disque, ce sera une face d'un album qui est en fait la face B de Sinking of the Titanic. Album qui, il faut le dire, est la toute première parution du label créé par Brian Eno, très fraîchement créé en 1975 par lui, Obscure Record. C'est la parution numéro 1. La numéro 2 sera d'ailleurs Michael Nyman, et c'est qu'après que Eno s'éditera lui-même dessus. Ça vaut le coup d'être signalé. Et de fait, Obscure portait pas mal son nom, parce qu'on ne les trouvait pas si facilement, les éditions Obscure Record du label de Brian Eno. Elles étaient tirées à pas tant d'exemplaires que ça, et pas rééditées. Ce qui fait que Jesus Blood Never Failed Me Yet, qui est non seulement pas très très édité et pas super diffusé, mais qui est en plus la face B d'un titre, ma foi, on met plus la face A en avant que la face B, allez, pas savoir pourquoi, que finalement, les gens font pas trop attention à cette pièce-là. Un peu plus tard, elle va connaître un edit de 60 minutes. Et 60 minutes pourquoi ? Ben parce que c'est le format que peut tolérer une cassette, une micro-cassette. Enfin, une cassette normale, quoi. Vous pouvez avoir 60 minutes par face, ou deux fois 30 minutes. Et là, on commence à comprendre l'intérêt de Gavin Wyars pour la technologie et l'intérêt qu'il a sur les supports même d'inscription de la musique enregistrée. Parce que quand va arriver le CD, et là on est beaucoup plus tard évidemment, Gavin Wyars se rend compte que, eh ben dis donc, un CD c'est 74 minutes, voire plus. Donc, bah allons-y pour une version de 74 minutes. C'est exactement ce qu'il va faire. On est à 74 minutes 50 sur cette version et qu'on peut considérer comme la version finalement définitive de Jesus Blood, de Never Fail Me Yet. Alors du coup, elle s'est extrêmement enrichie, cette version-là. Elle convoque le Banalescu Quartet. Ah non, pardon, pas là. Non, mais à coup de pas. On en parlera, mais il n'est pas sur cette affaire-là, le Banalescu. Non, c'est l'orchestre de Michael Reisman et c'est le Hampton Quartet. Et du coup, bah, je vais insister sur un peu les progressions de ce qu'on va entendre maintenant. Les 25 premières minutes, les 27 premières minutes spécialement, sont finalement, à quelque chose près, celles qui avaient été enregistrées, les 25 premières minutes de base qui avaient été enregistrées sur le label de Brian Eno, cette fameuse face B de Sinking of the Titanic en 75. Et puis, d'un orchestre de chambre de facture finalement assez classique, Gavin Wyars va augmenter l'orchestre, puis notamment aller un petit peu plus vers le bas, gonfler les basses et les violoncelles, multiplier les instruments. Jusqu'à ce qu'on arrive même à une version orchestrale sans string, hein, sans cordes, avant qu'elle ne remplisse tout en paquet. Donc là, il se sera déjà passé 40 minutes avant qu'on arrive effectivement à ce full orchestra qui se déploie à qui mieux mieux. Et à partir de 50 minutes à peu près de la pièce, le hobo, en tout cas le SDF et la voix du SDF va très très lentement se fader avec une autre voix invitée. Et figurez-vous que c'est celle de Tom Waits. Eh ouais, Tom Waits. Oui, alors grand clochard céleste, hein, si on veut, mais enfin c'est quand même un faux clochard. Mais c'est quelqu'un qui avait aussi, c'est quelqu'un qui avait très envie d'être là. D'abord parce qu'il a une admiration pour la pièce et depuis très longtemps. Et quand même, je vous ai dit qu'elle était quand même assez dure à trouver et peu promotionnée. C'était un luxe de mélomane que de connaître cette pièce dans les années 70 et même 80. Et Tom Waits, lui, en est un des premiers zélateurs, quoi. Et puis, bien sûr, cette atmosphère totalement à la fois avinée et spirituelle qui se dégage de la fange de Elephant and Castle, de ce milieu de homeless, à la fois détruit, mais en même temps totalement poétisé par la répétition, par la boucle. Et là, je vous répète, la voix du clochard que vous allez entendre, elle est tout sauf avinée. Elle est extrêmement belle, elle est tout en élévation. Et là, Tom Waits pouvait que tomber amoureux de ça. Donc et comme c'était quelqu'un qui était déjà rencontré en contact avec Gavin Wyars, et notamment pour lui dire tout le bien qu'il pensait de cette pièce-là, l'invitation s'est faite comme ça, très très naturellement. Voilà. Donc Tom Waits va rester un moment, et du coup, il va se passer un truc complètement improbable. Mais ça, c'est plutôt une idée de maison de disque, une idée de compositeur. C'est qu'on s'est dit, mais pourquoi pas faire un 45 tours, quoi ? Pourquoi pas faire The Single ? Et à ce moment-là, on est en 1993, donc quand même plus de 20 ans après la compo originale. Et bingo, c'est ce qui va se faire. Et non seulement c'est ce qui va se faire, mais le single, et avec la voix de Tom Waits, mais ça va être au top of the pop, quoi. C'est dans les charts, ça passe à top of the pop, ça passe sur toutes les radios anglaises, c'est un événement incroyable. Et l'événement, c'est plus qu'une galéjade. C'est-à-dire que tout d'un coup, à lui tout seul, ce titre, et plutôt l'album, parce que du coup, le 45 tours, il va marcher pour lui-même, mais il va surtout favoriser la vente de l'album. On est bien conscient que c'est une pièce de 75 minutes, et qu'un extrait de 5 minutes, même de 10 ou de 15, ça ne va pas, il faut la totale. Et c'est la totale que vous aurez aujourd'hui, évidemment. Eh bien, tout d'un coup, cette pièce va éveiller les consciences sur la question du SDF. Et qu'effectivement, quand bien même on parle, là ici, on est avec le témoignage de quelqu'un enregistré dans la rue en 1971, le drame, il est toujours le même 20 ans après, il est toujours le même 30 ans après, et hélas 40 ans après. Et non seulement il est le même, mais il s'est plutôt amplifié. Et donc du coup, cette pièce absolument magnifique, elle va devenir le porte-parole de quelque chose qui est bien plus grand que la musique elle-même. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement beau, c'est extrêmement miraculeux. Quand Gavin Bryars est... J'ai eu la chance de le rencontrer, moi, et puis on a parlé de ça. C'est une interview que vous pouvez trouver d'ailleurs en archive dans Mouvement, qui est consacré comme ça, un gros dossier, et puis quelques belles pages sur notre rencontre, donc tant mieux. Et je me rappelle même l'avoir interviewé dans les locaux de la BBC, on pouvait faire plus anglais, finalement. Et j'avais insisté auprès de lui, notamment, sur ce travail à partir de la voix, à partir d'une voix ramassée, d'une voix trouvée. Et c'était assez tentant de rapprocher cette stratégie-là de celle qu'avait fait auparavant Steve Reich, à ses tout débuts, quand il utilise dans Come Out, la voix de Daniel Hamm, c'était un manifestant à Harlem qui avait été arrêté par la police et qui expliquait, afin de ne pas être violenté par la police, qu'il avait dû s'ouvrir un abcès au niveau du genou pour faire couler le pus, come out, to show them, pour leur montrer, afin d'éviter les exactions policières qui étaient plutôt violentes à ce moment-là. Et ça, c'est une parole qui est collectée dans l'enceinte du procès qui avait lieu donc de Daniel Hamm et de d'autres activistes afro-américains à ce moment-là. On comprend évidemment la portée de la politique aussi que va avoir cette appropriation par Steve Reich. Donc du coup, j'avais envie de savoir si chez Gavin Bryars, il y avait ce genre d'appropriation quelque part, politique ou sociale. Et il m'a avoué que franchement, finalement non, et en tout cas pas au départ. Peut-être oui, par la suite, quand la pièce va devenir l'étendard d'une cause qui a besoin d'être exprimée. Mais au départ, Gavin Bryars, et comme pas mal d'autres artistes, musiciens contemporains de son époque, se rend bien compte que la musique, elle est un peu frileuse. Et se rend bien compte que dans les cercles de la musique classique et académique, justement, on est un peu engoncé dans des académismes. Du coup, ce qui influence cette génération-là, et Gavin Bryars pour beaucoup, ce sont les arts visuels. Et c'est pas un hasard qu'il travaille dès ce moment-là avec des artistes issus finalement des arts visuels, des plasticiens. Et quand il s'agit pour lui d'utiliser la voix de ce clochard préenregistré, il pensait très clairement dans une stratégie de found object finalement, de found footage. Et ça, c'est un réflexe de plasticien. C'est pas un réflexe de musicien. Et de fait, ça va rester quelque chose de très fort chez Gavin Bryars. De manière soit extrêmement volontaire, et là c'est le cas, puisque de toute façon, au centre, c'est cet objet trouvé, mais soit de façon un peu sibylline, parfois, mais avec plein de sonorités qui sont complètement extérieures à l'orchestre, avec des truchements électroniques, voire même des pédales d'effet qui vont booster des fréquences qu'on n'entend pas habituellement dans des orchestrations classiques, quoi. Alors certes, les pédales d'effet, ça c'est très commun dans toutes les musiques électrifiées et encore plus électroniques, mais dans le format classique, post-classique, dans le format de l'orchestre, ça l'est pas du tout. Ou vraiment peu, et en tout cas, au moment où Gavin Bryars l'expérimente, c'est probablement du nouveau. Voilà. Je vais vous laisser maintenant avec cette pièce et cette montée dramatique. Le début est un fade-in extrêmement lent, mais vraiment, au point où, quand je vais m'arrêter de parler, enfin, et laisser cette pièce arriver, il va se passer quelques secondes avant que le son arrive. Et puis quand il va arriver, vous allez voir, il va arriver lentement, très lentement. Et c'est très beau parce que ça laisse à penser que la pièce n'a pas de début, en fait. Et que finalement, elle n'est que le bout de quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être ça, une des grandeurs de cette pièce de Gavin Bryars, Jesus Blood Never Failed Me Yet, c'est d'être aussi d'une extraordinaire humilité. Blood

Thank you. ground never found me. Yes, never found me. Yes, blood never found me. Yes, this part me. Never found me, yes. Never found me, yes. Love, never found me, yes. This part of me, I know, falling down. Jesus, blood. love never found. Yes, never found. Yes, love never found. Love. Never found me. Never found me, yet. Never found me, yet. It's part of me. Thank you. Never found me. Vanguard never found me. Never found me yet. Black never found me yet. It's what me on the moving dark. Jesus, black. Never found me yet. Never found me yet. It's part. Never fails me yet. Never fails. Blood never failed me yet. Never fail. Ah, Jesus Blood Never Fail Me Yet, au cas où le titre vous aura échappé. Bon, dis donc, ça crée pas mal polémique, hein. Ça crée pas mal polémique sur le chat et je trouve ça très chouette, moi. Parce qu'effectivement, il y a les pour, il y a les contre. Petit commentaire attrapé comme ça, oui, c'est plus long qu'une messe. C'est pas faux. Bon, moi, je suis dans le camp des adorateurs. Mais, dans ceux qui n'y aiment pas, je prends tiens, la remarque de Hic, et il n'est pas la seule à la faire, il y a quand même un truc qui ne va pas dans cette pièce et dans cette adaptation, c'est Amouette. Et je suis comme vous, là. C'est dommage, c'est ultra dommage. Il faut revenir à la jeunesse de cette pièce, parce qu'effectivement, il y a deux camps au monde. Il y a ceux qui connaissaient cette pièce avant qu'elle soit rééditée dans les années 90, précisément en 1993. C'était rare, et pour le peu, c'était presque un culte de faire partie des gens qui aimaient cette pièce. Et puis ensuite, bah, il y a ceux qui vont l'adorer, parce que du coup, elle va devenir un tube. Elle va devenir un tube. William Forsythe va l'adapter dans une chorégraphie cette année-là. Voilà, Forsythe, c'est quand même c'est un peu les grosses machines de la danse contemporaine. Donc ça va donner encore plus de visibilité au truc. Alors que, en France, il y a Maggie Marin, qui est aussi une chorégraphe, avait adapté, utilisé en tout cas, Jesus Blood Never Fail Me Yet, dans une pièce chorégraphique, là aussi, mais en 1981, sans que ça attire plus l'attention que ça. C'était un travail qui s'inspirait plus spécialement de Beckett, mais elle avait mis en fond musical, enfin plus qu'en fond, en travail de musique, justement, le Jesus Blood Never Fail Me Yet de Gavin Byers. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'au strict début des années 80, les chorégraphes intéressants, internationaux, je pense à Teresa Dekersmaker qui avait fait un truc similaire en adaptant Steve Reich, vont vraiment commencer à piocher dans l'essence même des compositions minimalistes. Et bien sûr, y trouvant motif à chorégraphie. Parce que qui dit comme ça, travail sur le loop, la répétition est forcément inspirant si on lit ça au corps. Quoi. Et alors, du coup, oui, après les années 90, le tube. Et alors, ce qui était énorme, c'est fabuleux, c'est que il continue d'y avoir des updates. Et très récemment, en avril 2019, hein, donc c'est vraiment à nos portes, il y a eu une version de 12 heures qui a été commanditée par la Tête Moderne à Londres, et donc qui a eu lieu hein, dans la Turbine, dans cet énorme hall de la Tête Moderne à Londres. C'était dirigé par Gavin Bryars, et il y avait là aussi un grand orchestre. Et les performeurs eux-mêmes comprenaient des groupes de homeless. Il y avait une chorale de homeless et des instrumentistes homeless aussi. Voilà. Et du coup, cette pièce, elle est le porte-parole d'une cause trop souvent perdue et parfois ignorée. Il y a beaucoup de copyright suite à des performances, des machins qui vont quand même à des associations pour les homeless. Donc c'est aussi un travail que je crois qui mérite d'être signalé. Voilà. Et nonobstant Tom Waits, parce que alors moi, je vais abonder dans votre sens, mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé Tom Waits jusqu'à 1993. Je n'ai plus écouté un disque de Tom Waits depuis. Les Swordfish Trombone ou ces disques-là qui ont quand même un peu marqué le truc. Ils sont au fond de ma discothèque, je peux revenir sur un titre ou deux de temps en temps. Mais à partir de ça, je me suis dit que Tom Waits, c'est quelqu'un qui n'a strictement aucun intérêt. Hein, doublé même d'un opportunisme finalement, non seulement malhonnête, mais super pas crédible. Quoi. Donc voilà, moi aussi je peux avoir une dent totalement maléfique comme vous en ce week-end de Pâques et donc partager comme ça quelques idées assassines. Il est 12h43, alors soit on s'arrêtait dans 2 minutes, ce qui était prévu, soit, et j'ai pu en parler au diva des ondes et ainsi nous offrir un quart d'heure de plus. Merci Julie, elle ne supporte plus Tom Waits non plus. Voilà, mais Randogs, ça va encore, on peut aller à Randogs, quoi. Voilà, et puis voilà. Bon, on va... Ah, tiens, peut-être qu'exprès un jour, pour vous embêter, je ferai un cargo culte, ouais. Où je prends en fait que les bons morceaux, puis on se fait une heure avec. On arriverait quand même à une bonne émission. Bon, cessons d'être vilains. Enfin, pour ma part. Et passons à une dernière petite citation de Jesus Blood Never Fell Me Yet. Je vous ai évoqué toutes les versions qu'il y a. Et quand même, vous faites même un Wikipédia sur le truc, vous allez voir, ça manque pas d'informations. Hein, notamment sur toutes les versions enregistrées, les versions de 25 minutes, 40 minutes, 60 minutes, 74 minutes. Et bien sûr, cette version, alors elle n'a pas été éditée et publiée encore, mais cette version de 12 heures. Tout le monde en oublie une. Tout le monde en oublie une que Gavin Bryars adore et dont il est extrêmement fier. Et je vais vous la faire écouter. C'est une version d'une minute. Une minute. Du Mans, commandité. Pour la compilation miniature qui était faite par Morgan Fisher, on en a parlé dans cette émission sur un autre projet, et le projet miniature 1 et 2, alors qui n'est pas assez séparé dans le temps, a été très fier d'accueillir effectivement cette version spécialement faite par Gavin Bryars pour Morgan Fisher d'une minute très exactement. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'écoute pas aujourd'hui. Et là, pour le peu, ce n'est pas vraiment aussi long qu'une messe. I know, for he died so, Jesus' blood never found me yet, never found me yet, Jesus' blood never found me yet, this one thing. Voilà, c'était the very last minute de cette ritournelle. Et comme on a un petit peu de temps ensemble, parce que je l'ai demandé au gourou du web, on va rester avec Gavin Bryars, parce qu'on va quand même en faire un héros du jour, et s'intéresser à une pièce que moi j'aime par-dessus tout, puis alors qui n'a pas du tout le rayonnement de Jesus Blood, il faut dire. Et pourtant, elle a un fonctionnement un petit peu similaire. C'est-à-dire qu'elle part de la voix. Et il s'agit en fait d'une série de pièces très courtes, de 5 minutes exactement, et sur 10 fois 5 minutes, sur un projet qui s'appelle « A Man in a Room Gambling ». Donc un homme dans une pièce qui joue. Alors gambling qui joue, il faut l'entendre dans le sens qui joue aux cartes. Mais on n'a pas d'équivalent pour traduire ça en français. C'est le joueur de cartes, mais vachement filou quand même. Non, c'est plutôt le tricheur, quoi. C'est celui qu'on voit dans les westerns et contre lequel se retourne une arme à feu parce qu'il a planqué des as dans sa manche. Donc voilà. Or, A Man in a Room Gambling, bah, c'est ni plus ni moins que l'explication de texte de tours de cartes comme ça, mais super professionnels, qui sont donc exposés pendant 10 fois 5 minutes. Et là, ce qui est intéressant, c'est où ça va et à qui c'est destiné. Il ne s'agit pas là pour le peu de voir ramasser, récupérer, de found object au sens où Jesus Blood l'était, mais au contraire d'un travail spécifique et dûment commandé à Gavin Bryars, à un ami à lui, mais qui n'est pas du tout un musicien, qui n'est pas plus d'ailleurs un acteur ou un homme de voix, et pourtant il a une voix extraordinaire, une présence sublime, c'est Juan Muñoz. Juan Muñoz, c'était, parce que c'est quelqu'un qui est décédé assez jeune, à 49 ans, c'est un plasticien très important et extrêmement intéressant espagnol. Il était spécialement sculpteur, hein, on l'associe, il a essentiellement la sculpture, mais enfin, il a touché quelques autres matériaux. Et tout ce projet global est rentré dans le cadre d'une commande radiophonique assez incroyable et pour le peu ahurissante, qui était très spécifique, d'où les formats de 5 minutes précises. Et pas 10 secondes de moins ou 10 secondes de plus. Il s'agissait de 5 minutes qui précédaient le weather forecast, donc le bulletin météo, mais la météo marine, à chaque jour de sa diffusion sur la BBC en 1995. Enfin, l'édition est en 97, mais bon, la commande précédait légèrement. Et du coup, bah, c'est une saga comme ça qui s'écoutait à suivre, hein, comme un épisode. Finalement, la pièce ne se conçoit pas comme une écoute totale de la plage 1 à la plage 10, même si en fait elle est quand même géniale comme ça. Mais c'était dans une logique de série avec un épisode le lundi, un épisode le mardi. Voilà, ça sur deux fois deux semaines avec 5 diffusions par semaine. Donc je vais vous laisser avec ce projet, parce que c'est quand même un truc relativement unique, une commande extrêmement spécifique, super serrée. C'est extrêmement étonnant de savoir qu'effectivement, chaque morceau fait précisément 5 minutes. Et qui plus est, pour tout gambler en herbe que vous êtes, potentiellement, vous, moi, tous, bah c'est truffé quand même de trucs pour pouvoir tricher aux cartes et brider en société. Bonne écoute, on se quitte là-dessus, on aura le temps d'écouter deux trucs, le free card trick et le cutting. Bonne écoute avec Gavin Bryars. Merci d'avoir été présent et à très bientôt. Good evening and welcome once again to A Man in a Room Gambling. As we promised yesterday, we will explain how to perform the old and worthy trick, el trile or three card. You will have noticed this trick a few times on the streets of your town center. El trilero, or three-carded man, shows three cards to his audience, face up on a folding table or a cardboard box. One of them is always an ace. The cards are usually bent lengthways so that they can be easily picked up by their ends. The performer shows the three cards, one after the other, then picks them up and deals them out again. Slowly, face down, on the table, in a row, one after the other. In general, we wouldn't advise you to bet, but if that is what you want to do, we will explain in tomorrow's program how to beat the three-carded man. This evening, we will just tell you how the trick is done. As on every evening, first take a pack of cards, There's no need to shuffle, as we are going to use three cards. Remember that one of them has to be an ace. Take them now. Bend them a little along the lines of the card. Now put them face down on the table, one beside the other. Choose one of the cards apart from the ace. Now, using your right thumb and middle finger, pick it up by its end, along the line of the card. Take it gently along the line of the card and a little to the right. Now, without letting go of it, place this card exactly on top of the ace. Do you remember where it is? It's easy because you only have two cards on the table. Allow the two cards to touch on their left sides. And now pick up the ace with your thumb and ring finger. Do it again if you like. Your right hand keeps hold of both cards. The upper card with your thumb and middle finger. The lower one, the ace, with your thumb and ring finger. Now, take the third card with your left hand and pay close attention because this all happens in a flash. Move your right hand towards your left hand and with a slight sloping downwards, throw the upper card so that it falls on the left side of the table. And then quickly return your right hand to its original position. At the point where your middle finger is dropping the top card, it takes over control of the lower card and your ring finger stretches full out so that when your hand comes to rest in its original position, the spectators can see that the finger that was holding the upper card is now the same as before, and the finger that was holding the lower card is now free. The rest is easy. Move your left hand towards the right side of the table and drop its card there. Move your right hand again and drop the last card between the other two. As you will have seen, the false movement takes place when the first card is being dealt. The right hand seems to drop the lower card first, but in reality it deals the upper card. In any case, in the street, you can't follow the card in question with your eyes. Good night, and thank you. Good evening. We present A Man in a Room Gambling. This evening we are going to show the easiest and most daring solution to a problem that has been called the card player's black hole. It is the problem of cutting. The professional gambler knows how to fix his cards before dealing. The false riffle and the palm top pack are just two of the many subtle tricks of the trade. But every gambler, not just a professional, can fix some cards while he's shuffling. All you have to do as you collect the cards from the table is remember the order of an openly discarded hand. Either the discard itself or the last cards played on the table. 15 or 20 seconds are then more than enough to arrange three cards as you shuffle. If no one at the table cuts, you just have to deal from the bottom. But people do cut, At every gambling table, the pack is cut after being shuffled. Now we will explain two ways of coming out of a cut with the cards in the same order that they had when the pack was shuffled. The first method should be used if you are cutting for a companion who is on your side. The second cut if you are gambling on your own. Now, as on every evening, take your pack of cards. Shuffle and arrange some of the cards at the top. Here's the false cut. Hold the pack by the sides near the end between the thumb and middle finger of each hand. Holding the lower part with your left hand and the upper part with your right. Draw the bottom pack up and forward with your left hand. Bringing it towards you and drop it. Move your right hand up a little and slide the upper pack back on top. The moves have to be quick and clean. Now we will explain the second method. Take the pack again, shuffle it, lay it on the table, cut yourself as if you were going to be your own victim. Good. Now pay attention to the moves because they are so simple that they need some audacity to be performed. Remember that you have to shift the cards around openly, casually and without haste. The important thing is that your movements should look quite normal. Pay close attention. Take the lower packet with your right hand. And instead of putting it on top of the other, slide it along the table up to your left hand. Now take the second pack. And put it on top in the same way. Amazing. It's amazing. Good night and thank you.